ben voilà, ton sadique. On se demandait si vous pourriez venir. Tadieu, par Dieu, bien sûr, je ne voulais pas manquer ce petit moment. C'est pas parce que je suis invité à une noce que je m'avais oublié mes devoirs. Ça n'empêche que ça te va rude bien d'être invité. Regardez voir, les gens, cette roquelore, ça vous a-t-il de la branche? C'est éblouissant. Des syndics comme ça, ça devrait être rationné. Mais c'est que tu as tout prévu, dis donc. Tu sens même bon. Écoutez-moi cette sale langue. Est-ce que je sens mauvais d'habitude? Pas toi, mais avec ces redingotes, on ne sait jamais. Moi, j'ai un cousin qui est gendarme par Lausanne. Ça fait qu'il est obligé d'habiter, pas vers la cité. J'ai demandé un jour, est-ce que c'est pas un peu isolé, ce quartier? Ça, oui, qu'il m'a répondu, mais il y a le pour et le contre. Par exemple, on a le cortège de l'assermentation du Grand Conseil. Ça compense. Vous voyez que j'y fais, ça fait un joli spectacle. Mais ça ne fait qu'une fois en 4 ans. Une fois en 4 ans, c'est entendu qu'il a rétorqué. Ça n'empêche qu'on a qu'à bien ouvrir les fenêtres. Avec toute cette naphtaline qui se répand dans le quartier, toutes les gères sont une attaque. On n'en revoit pas une de toute la législature. Et il se trouvera encore des gens grincheux pour vous dire que le Grand Conseil ne sert à rien. Si t'as avec ta redingue, là, tu me rappelles une que mon père m'avait eu racontée. Il était aussi invité à une noce. Puis c'était du temps où ça se faisait un grand scandale, tu sais, on te lançait des poignées de riz à la figure des mariés, que les oiseaux en avaient pour une semaine à s'appousser après. Pardine, on partait en char avec des rubans au collier des chevaux, et puis tous les gamins traçaient après la noce pour recevoir les caramels en papier et les poignées de petits sous qu'on leur lançait. C'était le beau temps. Ça fait que dans le cas que je vous raconte, tout se passait dans l'ordre, jusqu'au moment où on en voit deux ou trois gosses qui s'arrêtent de courir, puis se mettent à pousser des cyclées en se tenant la tête. Qu'est-ce qui se passe, que les gens se demandent? Eh bien, c'était tout simplement le père de la mariée qui s'était trompé de poche. Et au lieu des caramels de noces, il te l'aurait flanqué par les potes une poignée de boules de naphtaline que la maman avait oublié d'enlever. Oh, comme il avait de la force dans les bras, un de ses gosses avait une bosse sous l'œil droit qu'on aurait cru que la boule s'y était enfantée. ce repas, ça sera pour quand? Ben, ça va être dans un moment, j'arriverai juste pour la soupe. Et tâchez même d'arriver un peu plus tard. J'imagine que ce soir, la soupe ne sera pas très nécessaire. Bon, je ne sais pas si je pourrais manger tant que ça. Ça va pas? Voilà, au fond, je me sens assez bien, mais il y a des symptômes. Diable, le rhumatisme? Non, c'est plus en dedans. Des espèces de troubles de la vue. C'est tout nouveau, ça? Ouais. Ça m'a pris il y a juste un moment. Ah, quelle malchance. Non, c'est un peu ma faute, vous savez. J'ai voulu passer par la cuisine pour dire bonjour à l'Adélaïde qui tournait autour de ses marmites. Et là, ben, je ne sais pas si c'est l'émotion ou la fumée, mais j'ai eu ce trouble. Un étourdissement? Non, pas même. Plutôt des sortes de visions. Après, par exemple, je regardais contre la grande table du milieu. Je vois un saladier. Ça n'a rien de si extraordinaire, un saladier, ou quoi? Bien sûr que non. Et alors? Mais voilà. Eh bien, moi, j'aurais juré, enfin, si je n'avais pas su que c'était impossible, qu'il était rempli de crème fouettée. Oh là là là là là là, c'est grave, ça. N'est-ce pas? Et je me tourne dans un autre coin. Diable me brûle si je ne vois pas 2 douzaines de jaunes d'œufs. Et droit à côté, un sac plein de farine blanche. Mais j'avais beau me frotter les yeux, ces bétanies d'images me revenaient. Écoute, syndic, moi, à ta place, je n'irai pas à ce banquet. Non, ça est trop dangereux. Avec une maladie comme tu as, un rien de lourdeur d'estomac là-dessus et tu en as pour 3 mois de lit. Les yeux, c'est traître comme tout. Et surtout, ne va pas te vanter de ça devant les gens. Si ça venait à s'ébruiter, m'étonnerait qu'on supporte longtemps comme ça indique une homme qui voit la lune en plein midi et de la crème fouettée sur une table juste quand c'est formellement interdit par toutes les ordonnances fédérales. En fait, tant pis que tu veux, encore sur moi. Je dois tenir jusqu'au bout. Il y a des moments dans la vie où le devoir passe avant tout. Respect. Et puis tu n'auras qu'à te surveiller un peu. Du reste, ça sera bien facile de voir si ça empire. Si tu ne vois rien, bon, c'est que c'était momentané. Mais alors, si vers la fin du repas, il te semble brusquement que tu manges des bricelets de la crème fouettée, alors là, c'est que la maladie est descendue de l'œil à la bouche. C'est le dernier moment d'aller te mettre au lit avant que le cœur soit atteint. Enfin, tu sais, entre la bouche et le cœur, Il reste bien le temps de prendre deux ou trois morts pour la digestion. Oh, c'est à toi de juger si tu te sens de force. Ah, pourvu qu'il n'arrive pas de ces chinoiseries qu'on avait eues à la noce d'une mienne cousine qui habite par Forel. Elle se maria un peu sur le tard. Elle avait beau eu se mettre à neuf en se faisant poser deux dentiers et tout, il restait des faux plis. Ce qui fait que pour dire vrai, celui qui la prenait avait plus souvent écrit des petites additions sur un carnet de compte que des billets doux, ouais. Avec le mariage à les bons trains, sans excès du côté des sentiments, il y avait eu l'état civil, la bénédiction, une verrée à la crochette et un souper à l'hôtel de ville accueilli. Avec une course en char. Ah que non, en autocar, oui, il y avait une de ces masses de monde. Et te fallait voir ce banquet. C'était le temps de l'abondance où on n'avait pas le temps de se resservir d'un plat pour ne pas faire refroidir les suivants. De sorte qu'à mesure des plats, ça s'était un peu réchauffé. Forcément, quand les côtes commencent à être bien coincées, on n'est plus tant regardeur. Mon nouveau marié faisait ce qu'il pouvait pour avoir l'air aussi heureux que possible. Il trinquait par-ci, faisait chmoly de par-là, ainsi bien que vers les 9 heures. Il avait trouvé le courage de donner la main à sa gaillarde qui ne s'était jamais trouvée à une fête pareille. Vraiment, il y a limite à tout. Et quand ils sont remontés dans l'autocar, mon mari était, ma foi, plus qu'embrillé. Avec ses ressorts puis cette senteur d'huile de ricin qui vous avait ses carrioles de malheur, le voilà qui se caille et puis caroupillant pendant un puissant moment. Là-dessus, à un contour ou à un coup de frein, il se réveille. Diable qui se fait. Voilà que tout endort. On n'est pas encore le moment. Il n'y a pas la moitié de l'ouvrage de fait. Il va falloir se réparer puis me remettre en frais de politesse. Se tourne sur la droite, voit à côté de lui, malgré l'obscurité, un voile de mariée. Se serre un peu compte, puis prenant son courage à deux mains, il fait « Donne-moi un bec, ma chérie. » Puis il attend. Seulement ce qui lui arrive dessus, c'est une de ces paires de morts nifles comme on en ramasse d'ordinaire que chez les gens très bien pincés. Mais alors, elle n'était pas contente, la mariée. Elle? On n'a jamais su ce qu'elle en pensait. Mais c'est le mari qui n'était pas content. Le mari? Oh, ben alors, moi, j'y comprends plus rien, ton histoire. Puisque c'était lui, le mari. Mais c'était bien ce qui se pensait. Et tu seras comme lui, puis tu comprendras mieux quand tu sauras qu'en sortant de l'hôtel de ville de Cuyé, il s'était trempé d'autocar. Oui, et qu'il était parti avec une autre noce. Et que juste au moment où il avait voulu embrasser la mariée, il y avait déjà le vrai mari qui profitait de l'obscurité pour se tenir plus près qu'il n'est d'usage en société. Et que c'est ça qui a fait tout le mal. Il est remarié, alors. Oui, ben ne vous faites pas de soucis pour elle. Elle a passé là une mauvaise journée et une mauvaise nuit. Mais je vous en garantis qu'elle s'est vengée depuis. Mais jamais. Qu'on ne sait pas de quoi il a le plus peur, si c'est de sa femme ou des autocars. Ça n'empêche que ce garçon est un grand maladroit. Forcément. Mais remets te voir. Voilà une femme qui est toute de bonne, bien disposée et tout. La preuve, c'est que dans le courant de la même journée, il arrive deux fois de suite de dire oui, une fois au pétabosson, et une fois au ministre. Oui, sans détour, sans réserve. De quoi se laver la bouche de tout ce qu'elle avait pu dire avant. Parfaitement. Et voyez comme ça lui profite, une arsouille de mari débutant qui lui fait affront devant toute la famille. Faut pas s'étonner si, raisonnante comme elles le sont toutes, elle se soit dit, bon, c'est comme ça, eh bien, à moi la peur si je redis oui une seule fois de mon existence. Qu'en somme, d'après toi, elle se serait forcée pour devenir contraire. Oui, enfin, dans tous les cas, avec la noce d'aujourd'hui, ça ne risque rien. Forcément, puisqu'il n'y a plus d'autocar. D'abord, et puis aussi parce que ces deux ne risquent pas de se perdre en route. Puis ce matin, je les suis à la trace, on les voit se regarder. Ah là là. Et comment ça se trouve, qu'on se soit trouvé, enfin, Dieu sait. Je me demande comment ils vont s'y prendre pour manger. T'inquiète, t'inquiète, pour le museau, ils vont déjà trouver moyen. Tiens, fichtre, surtout s'il y a de la crème fouettée. Quoi? Ah. Oui, enfin, j'avais cru. Du tout, en régent, est-ce que les hallucinations, ça se ramasse? Faut croire. En tout cas, ce que je sais, c'est que les mots se ramassent, qu'on est des fois bien étonné. On se croit seul dans un café, mais ouais. Dès que vous dites un mot un peu plus fort que l'autre, il perce la paroi. Mais ce qui fait qu'on ne vous conseille plus de parler de crème pointée, compris? Cardine, c'était un lapsus. Et au fond, vous avouerez que puisque personne ne nous écoute... Ah oui, vous en êtes sûr? Eh bien, moi, je serais plutôt comme l'autre dont on m'a raconté l'histoire. Une histoire de censure, justement. Oh, tu deviens pire que tout, Caviste. Que non, c'est prescrit. Ça se passait au bon vieux temps, quand les Bernois commandaient par ce canton. Oh. Oui, tu nous as fait peur. Quoi qu'il en soit, paraît qu'un moment, il y a eu où ces Bernois n'étaient rien tant rassurés sur l'état d'esprit des populations dans ça. Paraît que ça bourme, qu'avait dit un au conseil général. Pourtant, les rapports des baillis n'en disent mot. Les rapports des baillis qu'avait répondu le président, c'est comme les communiqués officiels de la guerre. Ça ne dit que ce que ça veut dire. Pardon, caviste. Ça se passait sous le régime bernois? Hein? Et quoi? C'était cette allusion au communiqué de guerre qui m'étonnait un peu. Je me demandais si vous confondiez. Oui, oui, il s'agissait de la guerre de Cent Ans, probable. Bref, que fait le président? Moi, je propose qu'on envoie par ce pays une homme sûr qui se déguise à Vaudois et qui tâche de se renseigner un peu en catimini. D'accord. Il trouve une espion hein, qui savait le français et tout. Et le voilà qui se ramène dans le canton. Il passe le tunnel de Chèvre. Le tunnel? Oh, ce qu'il est crampant avec ses dates ce soir. Je vous ai pas dit qu'il avait passé par dessous, Tabogno. Il aura fait le crochet par un limon. Bon. Et le voilà qui s'arrête à la crochette. Il prend trois décis, il lit la revue, bref, se donne des airs d'être de l'endroit. Ça fait que voilà un vigneron qui entre, un pinger c'était, qui venait se rinsauter entre deux hauteurs de terre. Bonjour. Comment ça va? On veut aller. Que bref, vous voyez le tour de la conversation. Au bout d'un moment, l'autre fait à pinger. Dites voir entre nous, ces Bernois, qu'est-ce qu'on en pense tant par ce vignoble? Chut, qui fait le pinger. Bouche cousue. Si je dis un mot de ce que je pense, je suis foutu. Pas d'histoire, ma foi non, pas d'histoire. Mais il n'y a personne. Vous croyez? Et la patronne à la cuisine qui appuie tout ce qu'on dit. Alors, allons ailleurs. Bien dit. Les voilà qui partent, droit sur épaisse. Ils rentrent au café. C'était vide et tout. Alors, que fait l'espion? Chut, que fait l'autre? Écoutez! Et en effet, on entend la patronne qui descend l'escalier. Ils refont un demi, puis ils s'en vont. Ça fait qu'ils se mettent à causer en route. Cette censure, elle est donc si dure que ça? Oh, censure ou pas censure, le fait est que si je disais un mot de ce que je pense, mon compte serait bon. On ne me reverrait plus. Alors, dites maintenant que... Chut, on ne sait jamais. Écoutez, si vous voulez absolument que je vous dise ce que je pense, il nous faut monter jusqu'au fin coup de serre vers la tour de Gourde, là où on verra de tous les côtés à la fois, de sorte qu'on sera sûr que personne ne vient. Bon, ils y montent, ils arrivent, et les voilà qui regardent dans toutes les directions. Personne. Alors, qui fait le Bernois? Leurs excellences, qu'est-ce que vous en pensez tant? Oh, moi qui réponds l'autre au fond, je n'ai rien contre eux. Ah non, que fait le Bernois en se rengorgeant? Non, ma foi. Alors vous comprenez, je n'ose guère le dire devant les gens, ils m'écharperaient. Oh, ce qui prouve qu'on n'a jamais tort de se mordre un peu la bouche avant de causer. Ça n'empêche que t'as beau dire, syndic. Le mariage, ça te remue plus que tu ne le dis, même en ne tenant pas compte des troubles de vue. Ah, fais pas le malin, caviste. Va bien t'y voir. Quand tu vois ce gnolu qui regarde son acquisition avec des yeux de découvrir l'Amérique, alors que moi, hein, enfin, je ne dis pas, elle n'est pas vilaine. Mais enfin, je n'abandonnerai pas un demi pour la regarder passer devant le café, non. Ça me fait remonter des vieux souvenirs, oui, ma foi, quoi. Oh, bien sûr que c'est toujours joli avoir des gaillards qui ont encore tout plein d'illusions. Mais que veux-tu, ce qui est fauché est bas. Non, oui. Allons, on ne va pas se mettre à devenir sentimentaux. Ça n'est pas de nos âges. Non, mais quand même, pendant qu'on y est, pour mettre le syndic dans la note, on devrait en chanter une comme on les chantait étant jeune, parce que si les morts de la peine à sortir, allez, on a encore bon pour le trémolo. Ah, car nous allions tous deux où vont les amoureux. Perdu sous la ramée, ton bras, ma bien-aimée, tremblait à mes aveux. Santé. Santé, conservation. Et puis après tout... C'est dans le mariage comme dans tout. Le départ est bien joli. Mais c'est le voyage qui compte. Bien dit. Puis nous, si on n'en est plus à se cajoler dans les coins, on se seconde. Et c'est solide. Non, doucement. On est à l'abri des surprises. pas comme le jeune quand il avait acheté son bozon à la foire d'Oran. Vous en rappelez ou quoi? Non, ma foi. Oh, ça n'est pas dire, bien sûr. J'étais lancé à la foire pour s'acheter un mozon. Après qu'il fait le tour des maquignons et tout, puis il trouve juste la bête à sa convenance. Il avait les moyens, parce qu'il fait qu'avec un rien de coup d'œil, il pouvait facilement faire un bon marché. C'est forcément qu'il avait profité de ce qu'il était au rang pour faire diverses commissions, de manière que de verre en demi, il se trouve à l'auberge où il avait débridé, puis il installe son mozon sur le char, un petit camion avec un porc, là. Seulement au dernier moment, le voilà qui se ravise et puis il rentre au café. Oui, il s'était pensé comme on dit qu'il ne pouvait tout de même pas rester sous l'impression de l'avant-dernier verre. Alors là, il se retrouve avec une bande et puis le voilà qui commence à vanter son mozon aux quatre coins de la pinte. Que c'est que ça, qu'il avait roulé le maquignon, qu'il avait fait une belle affaire, enfin que bref, il n'y en avait pas comme lui. Connaissez les hommes. Quand ils ne disent pas du mal des autres, ils se rattrapent en se vantant eux-mêmes. Demain, il s'en trouva un autre qui avait aussi acheté un mozon, puis qui se pique au jeu. Le mien vaut mieux, et si c'est ça, les voilà en train de mesurer ces bestioles comme si elles avaient été de venteuses là sur la table. Là-dessus, il part. Et comme c'était déjà assez avant dans la nuit, il fouette pour rentrer un peu fort. Se méfiait bien que sa femme l'attendait depuis un bout de temps. C'était comme ça, tu sais, une impatiente. Oui, loin des yeux, près du cœur. Tout juste, tout juste. Seulement qu'il se pensait, quand elle verra mon mozon, ça la rebouchera. Pas à dire. Elle s'y connaît rien tant en homme, mais pour les mozons, elle a l'œil. Qui fait que ça la calmera un moment? Bon, il arrive. Comme de juste, musique à bouche au clé d'or, discours de réception et tout. Pire qu'un président du Conseil d'État qui rentre dans son canton. Va, ne t'inquiète, Lisette, qu'il lui fait. Quand tu auras vu ce mozon que j'amène, tu n'oseras plus me traiter de soulant. Un soulant ne fait pas des emplettes pareilles. Voilà la Lisette émoustillée qui sort et qui s'approche du char. Seulement malheur, juste à ce moment, voyait-il pas que le mozon se met à bêler? Parfaitement, c'était ses rosses de gaillard d'Oran. Quand il avait vu se vanter comme un artaban de son mozon qui tenait du miracle, qui te l'avait chargé contre une chèvre au pâtier. Alors, c'est pour dire que des fois qu'il y a, on est bien fier de ses acquisitions. Mais il vaut mieux attendre au lendemain avant de se réjouir trop bruyamment. Hey, ça ne fait rien. Te laisser échanger un mozon contre une chèvre, c'est un peu violent. Waouh, on a eu vu pire. Une fois au comptoir, il y a de ça 5-6 ans, deux, trois marchands sortaient sur les 11 heures. Il y en a un qui fait « Ah, que... » Il me semble que j'oublie quelque chose. Voyons, mon portefeuille, non. J'ai ma clé. Pour la femme, j'ai bel et bien commandé cette seille qu'elle me sciait depuis le dernier comptoir. J'ai même acheté une bouteille de sang bon pour y faire plaisir. Non. Non, décidément, je n'oublie rien. Faut croire que c'est une impression. Et j'oubliais quand même quelque chose. Oh, pas grand-chose. Un taureau. Oui, un taureau. C'est la direction du comptoir qui a dû lui téléphoner le lendemain qu'il avait laissé gonger cette pauvre bestiole toute la nuit, toute seule à la grande écurie. Thomas, après tout, hein, il se trouve bien des gens pour voler des baleines. Ah oui? J'ai aussi ça lu dans les papiers. M'étonne ce qu'ils voulaient en faire, les voleurs. Une farce. Oui, bien, ou des corsets pour leur maman. Mmh. Ou tout simplement qu'ils avaient un banquet en vue et qu'il leur fallait une grosse pièce pour meubler. Un peu gros, tout de même. Vous croyez ça? Mais avec un paire de bonnes fourchettes, on aurait vite ça démoli. Pas sûr. Non, vraiment pas. Attendez, je cherche à faire le calcul. Et dedans, Jean, ça peut peser combien une baleine? Dans les 150 tonnes. 150 quoi? 150 000 kilos. T'es pecle d'une cassée. Voyons, alors on n'a rien dit. Minute, minute. Ça n'est pas si effrayant que ça. Voyons, syndic, toi qui as l'habitude des banquets officiels, combien penses-tu manger de viande d'un repas? Oh, c'est avant la guerre, bien sûr. Va s'aller chercher dans les 300 grammes par là autour. En comptant les deux plats, oh là oui, peut-être un peu. Bon, on n'en est pas pour à une ou deux morceaux près. En comptant un banquet par jour... Elle l'a dit. Pas toi. Mais toi, tu es un tout petit magistrat, tu comprends. Ton appétit ne dépasse guère les limites du cercle. Tandis que tu en as qui ont des tâches plus absorbantes. Oui. On ne pouvait pas mieux dire. Je dirais 300 grammes par jour, ça nous fait dans les 120 kilos par an. disons 150 kilos en comptant les jours de banquet, le comptoir, le 24 janvier, Sainte-Barbe, le jeûne et tout. Et 150 kilos par an, ce qui signifie qu'il faudrait 1000 ans à un de ces hommes pour déguster une baleine. Non, de sorte que l'homme est petit tout de même. D'accord, mais l'union fait la force. Si vous prenez les conseils d'État des 20-50 ans, les chambres fédérales, les grands conseils vaudois et une pincée d'autres assemblées importantes, ça fait bien dans les 600-700 personnes, ce qui fait que si au lieu de s'éparpiller par-ci par-là, ils se réunissaient tous les jours à midi sonnant, ils vous ratiboiseraient cette baleine en une petite année. et encore, vous avez forcé. Mais non, parce que je pense bien qu'ils laisseraient les baleines. Vous pensez sûr que ça? De la manière qu'il y en a qui se redressent et puis font l'arc en arrière, m'étonnerait pas qu'ils aient essayé. Eh, nous, qu'on se croit en malin, ça nous rend ma foi bien modeste des chiffres comme ça. Réputez-vous, allez, vous allez me couper l'appétit pour mon repas de noces. Ça serait quand même mal fait, quoi. Ouais, c'est dommage que le lac Léman, qui a bien des qualités au point de vue du coup d'œil, ne soit pas fichu de fournir bon an, mal an, quelques bonnes petites baleines de dimension moyenne. Quand on en attraperait une, tout lave aux frais boucherie, on en aurait à manger pour tout l'hiver en là. Il y aurait bien la question de la conservation. Oh, les femmes feraient des bocaux. Oui, avec les petits morceaux, les oreilles et tout. Les jambons, on n'aurait qu'à les pendre au clocher des églises, on les fumerait au feu du 1er août, qu'on ferait durer un paire de jours. Oh, tant qu'à faire. Avec cette viande sous la main, on ne serait plus tant obligé de travailler. Et avec la carcasse, on ferait un hangar pour les pompes, depuis le temps que la nôtre branle de bise, ce serait pas du luxe. Eh bien, messieurs, patience, ça viendra. Vous croyez? Et du moins, les journaux l'affirment. Ouais. Ben alors, on peut dormir tranquille. Pas forcément, parce que c'est dans la rubrique scientifique. Mais quoi? Il paraît qu'un savant américain a calculé qu'on pourrait très facilement détourner le Gulf Stream. Grand bien lui fasse. Ça te dérangerait, ça dit qu'on détourne ce Gulf Stream? Moi? Oh non. Pour ce qui est du Gulf Stream, je suis d'une tolérance qui me fait peur à moi-même, ouais. Eh bien, vous avez tort. Parce qu'en le détournant, on modifierait totalement le climat du monde entier. Et par exemple, l'Europe retournerait à l'époque glaciaire. Ah ouais? Oui. Vous ne trouvez pas qu'il va un peu fort, votre Américain? Notez que ce n'est qu'une hypothèse. À la bonne heure, ça me rassure un peu. Et vous pensez que ça nous ramènerait de ces baleines? Ah, forcément. Et tous les animaux glaciaires, les ours, les phoques, sans compter ceux d'autrefois, le diplodocus, le mammouth. Et vous salisez régulièrement cette chronique scientifique? Ah, mon Dieu, oui. Il faut se tenir au courant. Tant mieux. Ça fait que vous pourrez nous avertir quand ça se déclenchera, hein? Ah, mon vieux caviste, quelle belle fin d'existence on va avoir. Tu trouves? Oh, je t'en garantis. Moi, le jour où ça menace, j'arrête de vendre. Parce que l'argent à la période glaciaire m'est avis que ça ne doit pas avoir cours. Ce qui comptera, c'est la marchandise. Oh, arrêtez de vendre, c'est vite dit, elle est loin. On aurait au fait de nous obliger. Pas mèche. Parce que je me dis que dans leur capite de bois, avec le climat qu'il fait par Berne, les fonctionnaires fédéraux seraient les premiers gelés. Ils seraient devenus des fossiles qu'on n'aurait pas encore la moindre gelure. Ce qui fait que nous, on arracherait nos vignes. Oh, alors là, quand même. Enfin, ce n'est plus le moment de faire du sentiment, pas? On entasserait les sources dans la carreille. Ça nous ferait de quoi nous chauffer pendant 15-20 ans. Pour le boire, on en aurait bien de quoi entretenir la circulation pendant 20 ans aussi. Eh oui, en étant raisonnable et en fermant la clé en dedans. Et que ça ne serait pas difficile de tenir les bouteilles au frais. Mais il ne resterait plus au fond que la nourriture. Ah, oh, c'est là le hic. Mais ça ne serait pas l'embarras. Pour les débuts, on se tiendrait 2-3 cochons frais. D'ici qu'on les ait tous mangés, ben, ça serait bien le diable si on n'arrivait pas à dégnoter un paire de baleines par-ci par-là. Et vous n'avez pas l'impression que ce serait un peu monotone? Alors, la raison, vous n'y connaissez rien. Non, rien de rien. En se choisissant une équipe de lurons, ben, je vous garantis qu'on en aurait bien pour quelques lustres à se raconter des histoires. Pour une fois qu'on arriverait au bout sans être appelé à l'ordre par les mamans. Voilà le mot. Et nos femmes? Elles suceraient de la glace. Ouais. Elles aiment tant ça quand elles vont par Lausanne. Qu'elles payent des 1,50 francs pour en avoir la valeur du fond d'une petite assiette. Elles en auraient à discrétion. Pardine, Et puis quand même, pour lutter contre l'ankylose, on sortirait tous les jours une heure, puis on s'entraînerait pour l'assigne sportif. Moi, je voudrais bien voir ce régent au lancement du boulet. Là. Et moi, le caviste au 100 mètres. Oh, à la descente, en le roulant, c'est comme l'éclair. Ce qui fait que, voyons voir, régent, vous ne pourriez pas lui écrire à votre Américain qui ne tarde pas trop. Ah, si vous voulez. Du reste, est-ce que vous ne trouvez pas que ça fraîchit déjà un peu par là, hein? T'emballe pas, caviste, va, t'emballe pas. Depuis le temps que les savants nous promettent le paradis sur terre et la poudre de perlimpinpin en surabondance, c'est plus prudent de se méfier. D'attendre de voir pour voir, comme disait le papa. Alors je n'écris pas. Non, on en causera. D'autant que moi, va me falloir aller à ce banquet. Et cette histoire de crème fouettée me courant un peu, là, s'agira de la tirer au clair. Et bon appétit. Et il y a surtout ça, Dick. Ne cherche pas tous les prétextes pour tuer cette mariée, hein? C'est à mauvaise façon. Oui, un ordre. Alors, bonsoir, messieurs. Bonsoir, monsieur le syndic. Salut, syndic. Dans 15 jours. À la même heure. Thank you. Caviste. Vous étiez bien galère l'autre soir quand j'ai passé par là. Oh là oui, depuis le temps qu'on se retenait de faire des bandes pour un soir. Pas de risque que tu mets. Tu n'avais qu'à monter puisque tu nous as entendu. Moi, oh, j'ai hésité. Que me suis-je fait? Avec ce bouquin, il doit déjà être assez de chenapin comme ça. Le fait est qu'elle bande en effet. Il y avait donc moi, le Foc, l'Oscar au Charon, le Biclon, les deux Gringers. Les garçons aux boîtes. Eh oui, le Kika et le Bourru. Et puis le Grand Louis et Napoléon. Équipé 8. 9 avec le cochon qu'il y avait sur la table. Si on veut, quoi, que ce cochon. On ne l'a pas eu tout entier. Dommage, ma foi, parce que c'était une rude bête. Hein? Qu'est-ce qui avait fait boucherie? Napoléon. Mais alors, une de ces boucheries, mes amis. Un cochon qui faisait dans les 308 ans. 308 ans livres? Ben, je pense bien. Quand on verra des cochons de 380 kilos, il y aura bien de fait dans la direction du paradis terrestre. C'est ce qui te trompe. 380 kilos qui faisait le cochon Napoléon. Mais voyons, c'est pas possible. Comme je te dis, c'est une sorte comme ça. Quelle sorte? Il n'y a pas longtemps, quand on tient par là, ils appellent ça la sorte fédérale. Oui, c'est une espèce officielle. Extrêmement curieux, hein? Comment fait-il, ces bêtes? Ouh, c'est toute une histoire. Vous savez que d'habitude, je fais boucherie par ensemble avec le Napoléon. On tue deux cochons, il en prend un et demi, et moi une moitié. Comme ça, ça nous arrange tous les deux. Seulement cette année, il est Bernique que me fait Napoléon. D'après les ordonnances, n'en est droit qu'à un seul cochon. Rien de fait pour t'en remettre quoi que ce soit. Ça ne sera déjà pas assez pour moi. Mais qu'il avait ajouté, si j'arrive à en abattre un second en cachette, rien de ça que j'y fais, la loi, c'est la loi. Pardon. Et je pense bien. Ce qui fait que je m'arrangerai autrement, que je dis pour conclure. Bon. Et puis voilà qu'il y a un paire de jours, il me dit, Caviste, il te faut venir voir cette bête que j'ai au boiton. Quelque chose comme j'en ai jamais vu. M'étonnerait pas qu'il y ait moyen de s'arranger les deux. J'y vais. Et j'ai bien cru de tomber à la renverse. Un cochon, mes amis, qu'on aurait dit un champion de lutte, des biceps, comme ça, du muscle rebondissant de partout et une graisse à vous en donner le dégoût. Le plus rigolo, c'est que ça y était venu d'un coup. Avant, c'était un porc comme les autres, avec seulement des manières un peu plus comme il faut. Ah ouais? Oui. Jamais il ne baillait sans se mettre une patte devant le groin, comme disait Napoléon. Bon, ça, pour, tu sais, quand on leur donne des bonnes habitudes étant petit, on y arrive tout seul. Que bref, si ces derniers jours, il s'est mis à enfler que le Napoléon se demandait si ça n'était pas une maladie. 380 kilos qu'il pesait. Mais quand on l'a ouvert, on a compris. Il avait tout en double. Double jambon, double filet. Comme on dirait, deux bêtes qui se seraient turtées un peu trop fort et qui se seraient restées prises. Voilà, voilà, voilà. Ouais, ouais. Comme ça, tout s'est bien arrangé. Pardine. Et alors, l'autre soir, vous mangez la fricassée? Non, les pieds. Et comme on était 8, ça nous en faisait juste un pied pour chaque. Oh, après tout... On avait déjà ceux à deux pattes, puis ceux à quatre de cochon. Ça devait venir qu'on en invente à 8. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'on ne fasse pas plus de bruit autour de cette nouvelle race. Tiens, ça en vaudrait la peine. C'est ce que je me suis dit, mais il paraît que c'est un secret. Ah, tonnerre de Napoléon, hein. Et dire que se croyait par Berne que c'est facile à gouverner un village où il y a des 150 pandards de la sorte. Je voudrais bien les y voir, moi. Et si un inspecteur était venu, qu'est-ce que vous auriez fait? Oh mon Dieu, on y aurait expliqué. Des fois qu'il n'ait pas voulu croire. Alors, mon ami, que veux-tu que je te dise? Contre la mauvaise foi, on est désarmé. 1.7. Santé. Santé. À votre bonne santé, messieurs. Du reste, mes fonctions officielles m'ont prouvé que cette année, les animaux ont de contradictions. Hein? Et comment ça? Tenez, les poules. Au moment où d'habitude elles pondent le plus, elles sont tombées malades. Mais, en de ça, tu parles une poule de malade, toi. Wow. Ah, c'est possible, mais ça n'empêche qu'au centre de ramassage des œufs dont j'étais préposé, il n'est pas venu trois douzaines en tout. Oh, ah ouais? Et l'explication qu'on me donnait, c'était la maladie. Mais naturellement. Charette, quelle petite mémoire on a. Mais oui, ma foi. Ah, ça nous joue de ces tours qu'on finirait par nous prendre pour des qui entortillent les affaires. Oh, quand même. Et regardez les vaches. Oui, ça m'arrive. C'est joli. Et après? Je veux dire, c'est rare qu'on ait accident. Oui, c'est bête. C'est sage, calme et tout. Eh bien, il a suffi que les abattages soient interdits pendant quelques semaines pour que des accidents se multiplient. Ah oui, c'est l'Okikan qui s'est cassé la jambe. Et c'est l'Okiolu qui a roulé en balta, lui. Et c'est l'Ogut. Oh, on n'a jamais su, mais... Mais il a fallu l'abattre. D'urgence. Le fait est que... Et vous voyez, je crois bien qu'on n'a jamais dû abattre autant pendant la période d'interdiction. C'est même très curieux. Il sent le bête, hein? Que le croyera, hein? Enfin, du reste, ça ne m'étonne qu'à moitié, hein? Quand je vois tout ce qu'on fait pour dresser les bêtes à la hauteur de la méchanceté des hommes, ça serait ma foi bien étonnant qu'elles ne fassent pas de progrès. Oh, tu exagères, on ne les dresse pas tant que ça. Oh non? Eh bien, moi, j'écoutais l'autre soir un reportage à la radio, rapport au chef de guerre. Pauvre ami, vous auriez dû s'entendre. Ces bestioles, ça vous est remonté comme des officiers instructeurs. Et par fil à gauche, et en avant-arche, et garde à vos fixes. À ce point? Pardine, que même emporté par son enthousiasme, le Spic a déclaré qu'un de ces pauvres cabots claquait les talons. C'était probablement un lapsus. Non, c'était un chien loup. Oui. Oui, mais je pense que sa langue aura fourché. Enfin, bref, mais où je voulais en venir, c'est que quand ce chien a eu fait toutes ses chinoiseries, ses tours de polichinette et cette école de soldats, le Spic a dit que ce chien était si bien dressé qu'il avait un regard presque humain. Oh, alors, il aurait peut-être suffi d'y donner un mousqueton puis un paire de grenades à main pour qu'il y ait un regard tout à fait humain, sans restriction. C'est bien ce que je me suis pensé, oui. Pardieu, bien sûr qu'on n'a qu'à continuer dans ce genre. Et on verra bien. Regarde tes vaches, syndic. Une supposition que tu les envoies à l'école. Pauvre genre. Et après tout, vous savez, je ne suis pas bien sûr qu'elles seraient toutes dans les dernières de la classe. Quand on voit ce que certains gosses apprennent en 10 ans... Tu vois, syndic. Bref, elles y font leur classe avec examen et tout. Leur catéchisme, les cours complémentaires, une école de recrue. À moins la peur si au bout de quelques années, on ne les voit pas se mettre en syndicat. Et un beau matin, Bernique, c'est 30 centimes le litre où je retiens mon lait. Et qu'est-ce qu'elle t'en ferait? C'est ton. Chez les hommes, c'est les plus riches qui sont souvent les plus peignettes. Il n'y a pas besoin d'être dans le besoin pour mettre de côté. Après tout, t'as peut-être raison. Et puis, rien ne les obligerait à en avoir du lait, hein? Elle nous dirait, moi j'ai assez eu d'un veau. Ça coûte à élever et ça ne donne pas que des satisfactions. Je veux aussi profiter de la vie. Ce qui fait qu'avec l'argent du lait, elle s'achèterait des chapeaux. Mardine, des voilettes et du rouge poulet babine. Tais-toi, Camille, tais-toi, tu me fais peur. Savez-vous que ce n'est pas si faux ce que vous supposez? Regardez, à Lausanne, les chiens se sont bel et bien mis à faire de la politique. Pardieu, oui. N'ont-ils pas lancé un référendum contre leur impôt? Ils ont bel et bien QPC en première. Ça fait que tu vois, Fadik. Le moment est venu où, à force de regarder le bon exemple, les chiens se mettent à jouer des tours de caillon. Si tu ne veux pas te faire azorer par ta chatte le jour où tu t'asserras sur ton coussin, tu n'as que juste le temps de réagir. Oh là oui, parce que les chattes, des jours qu'il y a, quand elles ont le dos rond, on se dit que si elles parlaient, ce qu'elles diraient ne serait peut-être pas tant folie, hein. À propos de chatte, qu'est-ce que c'est que ces sous-entendus que tu avais l'autre jour avec le Gut, rapport à la grande Adèle? Quand ça? À la soirée du syndicat. Oh, c'est toute une histoire, ça, oui. Qu'as-tu décidé de faire un banquet du syndicat? Naturellement que le Gut aurait préféré qu'on aille au Lyon plutôt que chez l'Adèle. Avec l'Adèle, n'est-ce pas, ils ont eu des vieilles niaises qui ont peine à mourir. De demain, ils se causent, mais ça bourme, tu sais. Seulement l'Adèle, qui connaît le commerce comme pas un, a tout de suite fait des prix. Et puis ma foi, il a bien fallu voir qu'elle faisait le banquet à un franc de moins que le lion, avec le même menu. Ceci va de lièvre, donc. Justement. Ça fait que bon, rien d'autre à faire que de traiter avec elle. Seulement tu connais le but, hein? Il n'y aura guère qu'au cimetière que quelqu'un pourra se vanter d'avoir le dernier mot avec lui. Et encore qu'il est capable de se commander une pierre avec la réponse gravée sur le marbre. Ça fait que le but s'est dit, l'Adèle, tu nous as eu. Bon, mais attends te voir. Ceci va, on va te ça contrôler. Ce qui fait que 8 jours avant le banquet, on te voit cette Adèle qui rôdait dans le village en criant ses chats. Minet, minet, minet, qu'elle faisait ici et là, s'arrêtant à toutes les fermes et demandant si des fois on n'avait pas vu courater sa chatte et son angora. Et rien, personne n'avait rien vu. Pendant ce temps, le Goethe faisait aussi sa tournée. Attention aux chats qui disaient, il y a des hématloses dans la région et les comestibles valent cher à Lausanne. S'agit de tenir ces bêtes au tout fin. Ce qui fait que toutes les mamas du village avaient l'œil sur leur menu bétail, que rien que l'Adèle ne retrouvait pas les deux siens. Paré de ce côté, le Goethe va le lendemain chez l'Adèle, pour boire un verre. Et là, sous prétexte de regarder quelque chose ou Dieu sait, le voilà qui sort par derrière et puis se met à regarder le clapier de l'Adèle. Vous avez là de bien jolis lapins qui fait. Le piment Goethe te compte, c'est bête. Vous en avez 14 en tout, et parmi 6 qui seront bientôt bons à tuer. Et comme l'Adèle allait furieux, mais ne veut pas le laisser voir, le Goethe ajoute. Oh, ne craignez rien. Ce que j'ai dit, c'est manière de dire. Bien sûr que je ne suis pas un inspecteur fédéral. J'y suis, ce qui fait que l'Adèle a bien dû finir par aller à Lausanne acheter du vrai lièvre. Tout juste, Auguste. Et que par le plus grand des hasards, comme elle revenait de la gare, mon Goethe était bel et bien dans son café en train d'écraser 3 desties. Que jamais de sa vie n'a été si souvent chez l'Adèle que c'est tard, le Goethe. Et que bien entendu, il a trouvé moyen de s'enfâter à la cuisine sous prétexte d'admirer ce bossu. En tous les cas, il était bon ce hier. Pardon, ça fait longtemps qu'on n'en avait pas mangé, qu'il soit 6 francs de collier. Seulement, ça m'étonnerait que la prochaine fois l'Adèle soumissionne plus bas que les autres pour le 6 vers. À propos. Et ces chats? Ah oui, ah ben c'est qu'il y a les chats de l'Adèle, bien sûr. Oh ben le Goethe en a été quitte pour les nourrir 1 semaine, en les séquestrant dans son écurie. Que même il les a rapportés au banquet, ouais. Juste comme on en était en train de commencer le 6 vers, on entend un miaulement. Est-ce qu'il ne serait pas encore mort, le bossu, que fait un à la table? C'est selon qu'a répondu le Goethe. Le bossu à l'Adèle, il est bel et bien vivant, puisque le voilà à la table. Elle en aura tué un autre pour nous, probable. Eh ouais. Mon Dieu, oui. On a beau faire ses malins. Les fêtes de là, ça fait un peu chagrin dans le fond. Ça fait un poids. Ouais. Et ça ne rajeunit pas. Et même que tu n'as pas embelli depuis le début de là. Te pousse un de ces petits teints rosés. Me suis souvent demandé si tu te mets pas du fard ou quoi. Je me fais les pommettes, oui. Mais ça n'est pas de cette année que ça dure. Tu comprends de nature, je suis un peu pâle. Un caviste qui serait tout blanc de peau, ça n'inspirerait pas confiance. Et dis-moi, langue de serpe, si tu en entonnais une, comme tu as une jolie voix, et que les paroles ne sont pas de toi, ça risquerait d'être un peu plus agréable à écouter. Et une de circonstances, Dick. Pardon, hein? Allons-y, va. Comme volent les années, nous voici bientôt des vieux. Et le soir de nos journées, déjà paraît dans les cieux. Le passé sans nulle trace déjà pâlit et s'efface. Regardons vers l'avenir, quand en ce monde tout se glace, le cœur encore peut rassurer. Adieu donc, cercle fidèle, de bons et joyeux amis, que souvent l'aube nouvelle trouvait encore réunis. À l'épargne sont avides déjà que de place vide, regardant vers l'avenir, quand nos beaux jours s'en vont rapides, le cœur toujours peut rajeunir. Oui, bien sûr. Regardez vers l'avenir, c'est vite dit, même. D'abord, ça n'est rien tant de notre âge. Et puis, ça ne met pas l'eau à la bouche. L'eau à la bouche, quand même, on n'en est pas là, là. Santé. Santé. Conservation. Ça n'empêche que vous avez tort de douter de l'avenir. Non, ça n'est pas pour commander, non. Ça m'est venu comme ça parce que je crois bien que le régent va nous faire un discours. Eh, pas question. Tant pis. Non, je voulais simplement dire que l'avenir nous réserve des choses stupéfiantes. Bon, c'est seulement dommage qu'on nous ait déjà ça dit quand on était gamin. On attend toujours. Manière de causer, parce que des choses, on en a eu vu. Ouais, c'est même pour ça qu'on est moins impatient. Comme me disait le Julet qui fait le pêcheur par lutré, quand on est jeune, on est ardent. On voudrait que tous les soirs, le bord vent se lève au moment où on va au large, de manière à pouvoir aller à la voile. Et puis quand l'âge vient, on s'aperçoit que bien souvent, on part avec un joli petit air, et au beau milieu du lac, un coup de beau d'air nous fout les voiles bas. Alors, réflexion faite, on aime encore mieux le calme plat. On va à la rame. Ça ne bat pas les records, mais on sait au moins quand on revient. Bien dit, tous ces ergales qui sont là par le monde, à tout vouloir cupesser, rapport au progrès, et à Dieu sait quelle foutaise, ils ont beau faire. Ce soir, leur calendrier marque le 26 décembre, comme le nôtre. Sauf qu'il y en a sûrement des qui arrachent deux pages à la fois pour se faire croire qu'ils vont plus vite. Mais grand bien leur fasse si ça les amuse. Mais votre progrès à haut, régent, c'était quoi, là? Et figurez-vous que dans quelques années, les paysans ne seront plus nécessaires. Pas possible. Et comment ça? Mais ou enfin, il y en aura encore, mais ils habiteront en ville. Ça, c'est une bonne idée. Moi, chaque fois que je vais à Lausanne et que je vois ces rues bien en pente, face au soleil et tout, et qu'on y a mis du goudron dessus, je me dis que c'est une rude place de perdu pour la vigne. Quel goût y viendrait au petit chêne s'il n'y avait pas toutes ces canfouines. Ce qui fait que si on s'y remet, ce sera une fameuse idée. Mais ça n'est pas précisément ainsi que cela se passera, non? Parce que dorénavant, la culture n'aura plus besoin de terre. On cultivera dans quoi, alors? Dans les armoires. Pas de quoi rire. C'est scientifiquement prouvé. Oh, on veut bien, mais moi, je vois ça d'ici. Mais l'année, où a-t-on planté les pommes de terre cette année? Dans le tiroir de la commode. Lequel? Le tiroir des peignes, là où on met le beurre. Et il paraît qu'un savant américain... Encore? Ben, je me demande s'ils en ont quelques-uns qui ne soient pas savants dans ces Amériques. Que oui, dans les musées historiques, avec les mammouths. Bref, ce savant est arrivé à récolter plusieurs chars de foin dans une armoire, en maturant les graines au moyen de lumière artificielle. Et bien entendu, cette méthode est susceptible de s'adapter à n'importe quel genre de culture. Par Dieu, bien sûr. Et ça n'a pas l'air de vous épater. Oh, il en faudrait plus que ça. N'est-ce pas, Réjean, vous vous souvenez quand on était gamin, on s'amusait au train. Alors, pour que ça soit plus joli, on faisait des tunnels. Et pour qu'il y ait place pour des tunnels, on commençait par faire une montagne avec du sable. Naturellement. Seulement, on était gamin et on s'amusait, ce qui fait qu'on avait bien des excuses. Tandis que ces gaillards qui ruminent la journée faite dans des laboratoires, ils sont adultes, mais ils s'amusent pas. Sait-on jamais. Ben, s'ils s'amusent pas, et qui nous foutent la paix. On n'a pas de temps à perdre pour des niaiseries. Seulement s'ils sont sérieux, et il y en a, je me dis qu'à part une bonne fessée en public, je ne vois guère d'autre remède. Ah, tonnerre de tonnerre! Il n'y a pas encore assez de montagnes sur la terre sans en reconstruire des artificiels pour le simple plaisir d'y faire des trous. De quelle montagne parlez-vous, juste? Des manières de causer, bien sûr. Enfin, voyons, là, calmement. Supposition qu'on fasse de la culture dans les armoires. Ça ne serait qu'un début, bien entendu, parce que quand le progrès s'en mêle, il ne s'arrête plus. Et pourquoi voudrais-tu qu'il s'arrête? Au contraire. Moi, je voudrais être un savant américain pour creuser l'idée. Parce qu'en fait, ces histoires d'armoires, ça ne tranche pas la question. Ce foin qui poussera là-dedans, il faudra quand même le donner aux bêtes. Ce qui fait qu'on devra se lever de table deux fois par jour pour gouverner. Alors moi, j'essaierai carrément de mettre dans l'armoire de la graine et un petit veau. Ouais. À moi la peur, si en ouvrant le buffet, 5-6 mois plus tard, je trouve pas une puissante genisse toute prête à mener au comptoir. Ben justement, c'est là qu'on voit que ça ne finit jamais. Tu aurais encore la peine de l'amener. Et le boucher devrait l'abattre et tout. Oui, mais je te cause du début. Après, mendiant, on verra voir. Parce que je suis bien d'accord avec toi. Les vaches, en notre temps de mécanique, ça fait vieux jeu. On arrivera sûrement à traiter les graines de manière qu'elles se transforment direct en viande coupée pour le beefsteak. Oui. Au fond, le fin du fin, moi, je le vois comme ça. Quand nos garçons se marieront, ils fourreront leurs femmes dans une armoire avec lumière artificielle, rayons d'extraviolet et tout. Ils fermeront à clé, iront boire un pire de verre. Et 20 ans plus tard, quand ils y repenseront, ils retrouveront dans le buffet 5 beaux gamins, tout faits, tout élevés. Sachant lire, écrire et compter. Avec un fusil mitrailleur appendu à chaque bras. Des vrais hommes modernes, scientifiques. Le dernier mot de la technique pour tout dire. Santé! À l'avenir. Et au progrès. Et surtout, à l'optimisme. Ah. Elle m'en voilà. J'en reviens à mon idée. Quand les machines et la chimie nous feront tout le travail sous le nez, qu'est-ce qu'on fera, nous, pour tuer le temps? On s'arrangera chacun selon son tempérament. Dans les pays qui sont encore sauvages, il s'en trouvera pour regretter le bon vieux temps. Mais nous, les Suisses, qu'on est civilisés, on aura enfin plus de jaloux. On se mettra tous fonctionnaires, puis on fera des statistiques. Pardine. Et ceux qui regretteront la campagne n'auront qu'à élever quelques vaches dans le tiroir de leur bureau. N'empêche que si on a encore des bétaniers qui pressent de dire cette année, ah ben c'est le fin moment de nous encourager. Ah là oui, parce que ma fille en voilà une qui est bien aventure. Hein. Hélas. Oh, hélas, hélas. Pas tant que ça. Ouais. Celle qu'on a oubliée, on se les racontera l'année prochaine et tout est dit. Parce qu'à notre âge, nouvelle an, pas nouvelle an, ça revient tant qu'à peu près au même. Quand même, ça me rappelle toujours un peu. Remets-toi, syndic. Cette fois qu'on avait dansé à la mécanique, que tous les deux, on se mettait à fréquenter sérieusement. Un moment, on avait quitté le bal et on était venu au café avec nos promises. Ah oui, que je me souviens. Ça nous semblait drôle, ce café. Il n'y avait que des vieux. Comme ce soir. Hardin. À cette table-là, ils étaient 4 qui se retrouvaient presque tous les samedis. Le gros mafelon qu'on aurait d'une pivoine posée sur le dossier d'un fauteuil. Le mot dessus, c'est que comme un bretin qui biclait de l'œil droit quand il disait des gandoises. Le gros Jules Desbioles qui décrochait son pantalon quand il voulait s'asseoir. Parce que sans ça qu'il disait, ce qu'il buvait, il restait contre un haut puis ça barrait le passage. Et le quatrième syndic, c'était ton père. Qui était syndic aussi, je crois bien. Pardieu, oui. Ils étaient là les 4, un demi dans le coin de la table, un tapis au milieu, carte à la main. Et de temps en temps, tu les voyais les 4, qui s'arrêtaient de jouer, la main en l'air, là, avec les cartes en éventail. Ils hochaient de la tête, et brusquement te partaient dans une de ces recafés. Mes amis, que ça faisait trembler les bouteilles de liqueur façon qu'il y avait sur le table. Oui. C'est nous qu'on avait le feu dans les veines, des projets plein la tête, que pour dire on vivait au moins 3 ans en avant. Eh ben, on les trouvait rudes, agacés, ces 4 qui jouaient au yas. Au fond, on les plaignait un peu. Pardon. Ils ont tout eu de la vie qu'on se pensait. Ils sont là à terme, on ne sait quoi. Mais leurs beaux jours sont bien derrière. En un sens, On n'avait rien tantôt. La vie, comme on l'entendait à ce moment-là, bien sûr que les vieux l'avaient fini. Comme nous, on l'a fini aujourd'hui. Puis on ne pouvait pas savoir qu'il y a d'autres manières d'être heureux, voilà tout. Dans le fond, la différence entre les vieux et les jeunes, c'est que les jeunes, il leur faut que la vie leur saute contre de dehors. Tandis que nous, elle nous remonterait plutôt de dedans. Oui, c'est pour ça, Pardine, qu'on aime souvent mieux la raconter que la vivre pour de vrai. Parce que là, il y en a à dire. Les meilleurs moments, c'est les bel et bien. Quand on s'arrête quelque part pour se regarder. Passer ou quoi? C'est bien vrai ce que vous dites, Cavi. Seulement, on pourrait s'y tromper. Parce que, je me le dis souvent, vous entendre parler continuellement de boire et de manger, de farce et de plaisanterie, des gens qui ne vous connaîtraient pas pourraient se mettre le doigt dans l'œil et croire que votre vie se passe à ça. Oui, ma foi, on n'a jamais entendu parler des misères qui se passent par-ci, par-là. Et qu'on s'occupe principalement de tourner en bourrique les choses et les gens. Sans compter les lois fédérales. Ah, nom de sort. C'est que c'est grave, ce que vous nous dites là, Régent. Seulement, dites voir, Régent. Cette grande bringue de Berka qui se promène tout le jour avec des airs de porter la misère du monde dans sa redingote. Et qu'à sa mine réjouie, on jurerait qu'il est en train de digérer une brosse à habits. Êtes-vous bien sûr qu'en se privant sur le boire et la bonne humeur, il avance les choses beaucoup plus que nous, hein? Ben, je ne dis pas ça. Par conséquent, je ne vois qu'une chose à faire. Laissez grogner ceux qui aiment ce genre de musique. Et faire plus de bruit qu'eux pour qu'ils ne nous assourdissent pas l'existence. Santé. Halte, Sadik. Ne bouge pas. Tu causais un moment de ton père qui se tenait avec ses trois autres du village à la table à côté. Je viens de le revoir. Quand il avait fini de rire d'une bonne histoire, il prenait son verre, comme toi. Il levait le coude à l'équerre, à la hauteur du menton, penchait la tête en arrière et hop! Ça glissait tout seul qu'on ne voyait pas un mouvement de la bouche. Aïe. Comme toi, Sadik. C'est ma foi vrai. J'y avais jamais pensé. Ça t'est venu comme ça, tout seul. Tu n'as pas eu besoin d'apprendre. Et pourtant, ton père, ça n'était pas une mazette. Ah, oh, ma foi, non. Par conséquent, mon ami, il ne nous faut pas chercher midi à 14 heures. Les jeunes qui entreraient maintenant dans ce café nous prendraient pour des vieux demi-rassautés qui reçussent leur existence à petites giclettes. Comment faisaient nous pour nos vieux? Et ils y viendront, eux aussi. Et ils recafferont, comment fait? Et ils s'en trouveront dans le tas des crouilles et des moins crouilles. Mais ça, la différence ne se verra pas au nombre de verres qu'ils boiront, ni au nombre de fois qu'ils éclateront de rire. Santé, syndic. Santé, Régent. Santé, messieurs. Et bonne année à tout le monde. Thank you.